C'est. Tu viens demain? À quelle heure elle arrive? Je pars dans 2 heures. Nous regardons la télévision. Ils ont beaucoup de travail. On mange vers 8 heures.